gagnette. Aïe la nga naïné. Déjà petit, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite. L'engraineuse, mon catalogue me pousse vers l'exit. J'en deviens trop haineuse, je me braque, ça m'exaspère, on dit que je suis teigneuse. Je me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là on me trouve capricieuse. Des mots ininterrompus à m'en donner des otites. Maudite, quand je m'attaque aux théories, je les discrédite. J'irrite le commun des mortels, je détériore telle une rebelle. J'avoue, je fous le bordel. Je tombe les cloisons, sors de mes gonds. Prends ton droit, serre-en toi. C'est facile de crier non, inutile pour ça d'avoir des ronds. Si je vois que je sature trop, je lance mon juron. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, nine. Un peu moins petite, faire 15-16. Déferlement de bourrage de crâne, j'en deviens obèse. J'exagère, mais je rejette toute forme de charentaise. Morale ou mentale, t'as beau tout faire pour qu'elle me plaise. Impossible, y'a pas moyen, assurément, t'as dû te gourer de cible. Apparemment, toi et moi, on ne lit pas la même Bible. C'est inadmissible, pour ne pas dire indigestible, que ce soit moi la nuisible. Arrive, arrive l'époque innocente, soi-disant jeune, adolescente, où t'es inconsciente. Ou trop souvent, j'entends dire, je suis une délinquante, je suis une maniérée, ou que j'ai des manières inconvenantes. Non, nine, nada à la niette. Aïe la nga, naïné, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, naïné. Rarement dans les rangs, j'ai des transpires à contre-courant. J'pousse des soupirs, mais c'est déconcertant. Tu vois dans mon calme apparent, de la nonchalance, dans ma distance, de l'ignorance. Mon indépendance, tu la transformes en arrogance. Ma résistance devient extravagance. Ma maladresse n'est qu'à politesse. Et tu vois dans ma gentillesse une marque de faiblesse. Conflit en conflit, faut pas craquer. Même si anéanti, tu sembles ralenti. Même en sous-régime, je persévère. J'opère un changement d'atmosphère, c'est nécessaire. Réfractaire, je balance mes verres, je me défends. Trop arrogant, t'es trop insultant. En pensant que je te laisserai faire ma vie un enfer. Prévoyant, sans souci, ferme-moi ta prisonnière. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, nine, à la niette. Non, nine, nada à la niette. Aïe la nga, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, nine, à la niette.